Jupiler N.A. Nana vert, celle que tu buvais pour essayer d'arrêter. J'ai toujours la honte de faire des chansons sur le téléphone ou sur la bière. J'ai ce dit, j'ai tout ce qu'il y a devant moi. Des fois il y a de la bière, des fois il y a le téléphone. Quand j'arrête la bière, j'éteins aussi mon téléphone. J'y rentrais en soi dans la solitude du non-existant, du non-bourré. La solitude, y'a rien devant moi, alors que je vais pouvoir faire des chansons dessus juste. Qu'est-ce que je vais faire dans cette vie, à part faire des albums pourris? Qu'est-ce que je vais faire dans cette vie, travailler tous les jours? Qu'est-ce que je vais faire dans cette vie? Dormir et ou manger? Est-ce que je vais faire dans cette vie? Qu'est-ce que je vais faire dans cette vie? Et c'est maintenant un solo de guitare avec un solo de synthé. Merde. Et c'est même pas un solo de synthé, je sais pas ce que c'est. Non, rien du tout. Comme dans la vie, j'ai rien à faire dans cette vie finalement. Rien à faire du tout. Rien à faire du tout. Rien à faire du tout. Et les albums. Projet d'avenir. Rien à faire. Et les albums. C'est vrai, ça sera comme ça. Au moins ça sera ça. Et ça sera pas autre chose, un truc plus pourri encore. Où aller dans l'espace avec Oman? Où aller dans l'espace avec Jadid tel avant? Où aller dans l'espace pour battre son frère? Où le mettre de maître esclave? Tiens, prends ça dans ta gueule, enculé, ta mère. Et avant ça de nouveau dans ta gueule, tu mérites pas mieux que les autres cons sur terre. Des autres. Et la guitare, issue de la guitare, issue de toi, issue de moi, issue de la guitare et de tous les hommages qu'on avait fait avant, et de la guitare. Ah, moitié bien. Non, c'est pas ça, c'est à mi-moyen. Joue. Oh. dans l'espace, non. Même dans l'espace que j'ai la Terre, ça a l'air trop pourri, j'ai l'air dans l'espace avec la navette spatiale. J'ai l'espace avec la navette spatiale. Aller dans l'espace avec des guitares et de la navette spatiale. Aller dans l'espace avec la navette spatiale et la guitare. Faire ça et y aller. Et l'hommage au rien qui l'a fait. C'est moi le premier, c'est moi le moyen. L'hommage au rien, qu'est-ce qu'il a fait? Hommage au moyen, c'est moi-même aussi. Qui a fait ça? C'est lui. Bientôt on dira, c'est lui. C'est les gens l'avaient dit. La télé, j'ai arrêté de regarder parce que j'avais, ça fait déjà plus de 10 ans que j'ai arrêté de regarder. Et j'avais chaque fois à la limite, sauf qu'il y a des clips avec de la guitare. Ces groupes qui croient qu'ils jouent de la guitare, c'est que des petits pédés avec des mèches de merde. Pourri tout pourri. Mais moi c'est un vrai acheteur souverain. Ça fait 10 ans que j'ai plus regardé la télé, je connais rien. Et même si moi j'aime pas internet, ça va, j'aime pas comment on fait. C'est pas très sympa. C'est pas très cool. C'est pas tout à fait la coolitude.